L'Association générale des Coréens en Chine a publié le 2 courant une déclaration contre l'abus de la politique d'État de la bande des traîtres de Bakouné. La déclaration note que l'Association générale des Coréens en Chine et tous les Coréens en Chine sont stupéfaits et indignés de l'actuel scandale et sont déterminés à destituer Bakouné et à la juger.